quarantaine 2020. On est encore là. Peace, force, respect à tous les soldats qu'on a perdus sur la route. On pense à vous. On vous oubliera pas. Quarantaine 2020. Quarantaine 2020.